yeux turquoises comme un lagon sans eau. Le fessier moulé un peu dans un cajot. Les lèvres framboises au goût d'abricot. Les seins pincés dans un trop petit haut. Jolie chinoise importée du Congo. Les cheveux bouclés qu'on lirait les barreaux. Parfum de framboise et de cyprinoro. Que ça les petits défauts, je n'aime pas ça quand beau devient trop. Je n'aime que ça les petits défauts, je n'aime pas ça quand beau devient trop. La peau ridée de mamie dans son lit, la de béquilles et les os ramollis. Elle est un peu fatiguée, mais ma mémé aussi, sont les yeux qui pétillent. Moi je trouve ça joli. Je n'aime que ça les petits défauts, je n'aime pas ça quand beau devient trop. Je n'aime que ça les petits défauts, je n'aime pas ça quand beau devient trop. Et bourriffée, collectionne les épis. Elle se maquille, ridicule et ravie. Toujours agitée, quand elle rit plus elle rit. Habillée de guenilles, elle est la plus jolie. Je n'aime que ça les petits défauts, je n'aime pas ça quand beau devient trop. Je n'aime que ça les petits défauts, je n'aime pas ça quand beau devient trop. Je n'aime que ça les petits défauts, je n'aime pas ça quand beau devient trop. Je n'aime que ça les petits défauts, je n'aime pas ça quand beau devient trop.